dans le cas d'Haïti, le général Prosper Avril avait été poursuivi dans un tribunal américain pour violation des droits de certains qui sont aujourd'hui leaders de l'opposition et qui maintenant sont aux côtés du général Avril. Mais à l'époque, un tribunal américain avait pris une décision parce que certains des plaignants se trouvaient sur le territoire américain. Absolument. Aux États-Unis, c'est des procès en civil. Là, ça peut être même en pénal. Ça veut dire que, je le dis à votre micro, il y a un certain nombre de gens qui, s'ils ne font pas leur boulot, devront rendre compte devant la justice internationale. Et nous, avec les autres organisations, on en fera notre affaire. J'ai déjà discuté avec un certain nombre d'autres organisations internationales qui sont d'accord sur ces poursuites-là. Parce que, vous savez, c'est fini le bon temps où vous pouviez, derrière vos frontières, vous comporter comme le pire des salopards en vous disant « je suis à l'abri, je suis chez moi, rien ne fait ». Or, ces gens-là, tous, du sommet de l'État au fonctionnaire qui ne fait pas son boulot, un jour ou l'autre, ils sont amenés à sortir de leur pays. Un certain nombre de gens sont aujourd'hui à l'abri parce qu'ils sont chefs de l'État ou parce qu'ils sont, ils sont ministres en exercice. Ou sénateurs. Ou sénateurs, ils sont à l'abri d'un certain nombre de poursuites à l'étranger. On ne reste pas chef de l'État, on ne reste pas sénateur, on ne reste pas ministre de la Justice toute sa vie. À un moment donné, on ne l'est plus et on se déplace à l'étranger. Et à ce moment-là, la mémoire judiciaire, elle continue à fonctionner. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des menaces de notre part. Mais aujourd'hui, c'est un rapport de force. Je crois qu'avec un certain nombre de gens, on ne parle pas de morale. Je ne crois pas qu'avec un certain nombre de gens dans ce dossier, je vais discuter de morale avec eux. On discute de rapport de force. Nos forces, c'est aujourd'hui que la justice internationale a fait des progrès. On l'a vu, on le sait tous, on a tous l'affaire Pinochet. Même si M. Pinochet... On a Milosevic aujourd'hui. Il y a tout un tas de cas. C'est fini l'impunité globale et tout ça. Et sur l'affaire Jean-Dominique, un certain nombre de gens, s'ils pensent qu'ils échapperont ici parce qu'on est en Haïti et qu'ils détiennent un certain nombre de clés du pouvoir à la justice, je vous garantis que les mêmes personnes devront s'expliquer à l'extérieur un jour ou l'autre. Robert Ménard, merci. Interface, parce que nous c'est l'homme, nous pas québécois. Interface, parce que brasser l'idée, c'est craser, barrer, pas comprendre. Interface, parce que chita palé, t'a changé la vie. Interface, si me parler, m'a tout fait. Interface aujourd'hui est à Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières, une organisation internationale de défense de la liberté d'informer. Robert Ménard était en mission d'information et de solidarité en Haïti sur le cas du journaliste Jean-Dominique assassiné le 3 avril 2000. Interface. Une émission d'échange, une émission d'écoute critique et de questionnement. Interface. Nous c'est l'homme, nous pas qu'un bécrasse. Vous la c'est l'idée, c'est crasé, barré, pas comprendre. Chita palé, t'as changé la vie. Interface. Une émission hebdomadaire chaque dimanche à midi, reprise le mercredi soir à 9h. Interface. Simbarele, m'a tout fait.